Section 41 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 41, Le Drapeau, par le général Touma. Le samedi 5 janvier dernier a eu lieu pour toute l'armée la première revue de garnison de l'année. Ces revues sont passées par le commandant d'armes, c'est-à-dire par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le premier samedi de chaque trimestre. La revue du premier trimestre, ainsi fixée au premier samedi de janvier, se distingue des autres par la cérémonie de la présentation du drapeau ou de l'étendard aux jeunes soldats récemment incorporés. Aussitôt que le commandant d'armes a passé devant le front des troupes, les jeunes soldats forme le cercle autour du drapeau dans l'infanterie, de l'étendard dans la cavalerie. Le colonel leur adresse une allocution destinée à leur faire connaître leurs devoirs à l'égard de ce drapeau qui doit être, pour eux et pour tout le régiment, l'image vénérée de la patrie, la personnification de la France. Cette idée si grande et si belle que nous nous formons aujourd'hui du drapeau est relativement moderne et ne remonte pas plus loin que la Révolution française. Sous l'ancienne monarchie, le drapeau blanc, et ce que je dis du drapeau de l'infanterie s'applique également à l'étendard de la cavalerie et au guidon des dragons, n'était pas, comme on semble le croire parfois, le drapeau national. C'était le signe de l'autorité du roi en tant que colonel du régiment. Chaque régiment avait plusieurs drapeaux. Les gardes françaises en avaient 30, un par compagnie. Les vieux régiments, ainsi appelait-on Picardie, Piémont, Navarre, Champagne, Normandie et la Marine, sous le règne de Louis XIV, en avaient 15, dont un seul était blanc. Les autres portaient une large croix blanche, partageant en 4 parties égales un fond de couleur rouge pour Picardie, noir pour Piémont, vert pour Champagne, etc. Cette multiplicité de drapeaux explique le grand nombre de trophées enlevés dans les batailles. À Rocroi, il fut pris aux Espagnols 70 drapeaux et étendards ou guidons. Le 30 mars 1814, le maréchal Serrurier fit brûler dans la cour de l'hôtel des Invalides 1600 drapeaux qui provenaient des guerres de Louis XIV jusqu'à Napoléon et avaient été suspendus aux voûtes de Notre-Dame ou de l'église des Invalides. Chargés sur des voitures pour être expédiés de l'autre côté de la Loire, ils n'avaient pu être mis en route assez tôt et le maréchal prit sur lui de les faire détruire pour les empêcher de tomber aux mains des alliés. Mais revenons au drapeau de l'ancienne monarchie. Un seul régiment de cavalerie avait un étendard blanc, ou plutôt une cornette blanche. C'était colonel général, aujourd'hui premier régiment de cuirassiers. Les 7 autres étendards du même régiment étaient noirs, brodés aux armes de Turenne, dont le régiment avait autrefois porté le nom. De même dans les dragons, le régiment colonel général, aujourd'hui 5e dragon, avait seul un guidon blanc. Dans les gardes du corps, l'étendard de la première compagnie, compagnie écossaise ou de Noailles, était blanc, mais ceux des 2e, 3e et 4e compagnies étaient respectivement bleu, vert et jaune. Chacune des 16 compagnies de gendarmerie avait 2 étendards différents de ceux des autres compagnies par la couleur du fond, blanc, bleu, rouge ou jaune, ou par les ornements. Si tous les régiments d'infanterie avaient un drapeau blanc, tandis que la cornette blanche n'existait que dans un seul régiment de cavalerie, c'est que la charge du colonel général de la cavalerie fut maintenue, alors que Louis XIV s'empressait à la mort du duc d'Épernon de supprimer la charge du colonel général de l'infanterie qui conférait à son titulaire une puissance trop grande. Cet important personnage possédait dans chaque régiment d'infanterie une compagnie qui portait le titre de compagnie colonel, était commandée par le lieutenant du colonel général ou lieutenant-colonel, prenait le pas sur les autres compagnies et portait le drapeau blanc. Les régiments eux-mêmes étaient commandés par des maîtres de camp, délégués de l'autorité du colonel général. La charge supprimée, les maîtres de camp devinrent colonels et la compagnie qui leur appartenait prit, avec le premier rang, le drapeau blanc, un signe de l'autorité royale dont les colonels devenaient les délégués directs. Dans la cavalerie, le colonel général resta propriétaire du régiment qui portait son nom et dans le régiment de la compagnie colonel à laquelle était confiée la cornette blanche. Tout cela est tellement vrai que la charge de colonel général de l'infanterie ayant été rétablie en 1780 pour le prince de Condé, le drapeau blanc fut enlevé à tous les régiments, sauf à celui de Picardie devenu régiment colonel général. Le nombre des drapeaux avait été d'ailleurs considérablement diminué. Abaissé en 1749 à 2 bataillons, il fut réduit sous le ministère du comte de Saint-Germain à 2 par régiment ou par bataillon. Le régiment colonel général, ancien Picardie, en eut seul 3, dont un blanc. Et lorsque la charge de colonel général fut définitivement supprimée en 1788, le drapeau blanc fut rendu à toute l'infanterie, dont chaque régiment eut 2 drapeaux, le premier blanc, le second aux couleurs du régiment. Tout cela fut changé à la Révolution, mais les couleurs aujourd'hui nationales furent adoptées pour la cocarde avant de l'être pour le drapeau, et la garde nationale avait déjà substitué la cocarde tricolore à la cocarde parisienne rouge et bleue, qu'elle portait encore le drapeau blanc orné, il est vrai, de franges aux 3 couleurs. Des essais de toutes sortes furent tentés pour ce drapeau. On adopta un instant les 3 couleurs disposées en bandes horizontales, comme dans le drapeau hollandais, puis on les plaça verticalement, le blanc en dehors. On a même vu paraître à Rouen en 1831 dans une revue de la garde nationale passée par le roi Louis-Philippe un drapeau des premiers temps de la Révolution qui avait été conservé avec soin et portant une croix blanche au centre de 4 carrés dont 2 bleus et 2 rouges. Enfin, la loi du 22 avril 1792 détermina l'ordre des couleurs tel qu'il est encore actuellement établi, bleu, blanc, rouge, à partir de la hampe. Quant à l'armée, un décret du 30 juin 1791 conserva aux régiments d'infanterie et de cavalerie leurs drapeaux et étendards d'ordonnance, modifiés par cette inscription « Discipline et obéissance à la loi ». Et au revers, le numéro du régiment, la cravate seule était aux couleurs nationales. La loi du 22 avril 1792 ordonna que les drapeaux et étendards de toute l'armée seraient brûlés et remplacés par des insignes aux 3 couleurs. Telle fut l'origine du drapeau tricolore qui ne tarda pas à recevoir à Valmy le baptême de la gloire, style du temps. Bonaparte est le premier qui fit orner les drapeaux d'inscription rappelant, d'après les ordres du jour ou les rapports, les circonstances dans lesquelles s'étaient distingués les divers régiments, ou plutôt les demi-brigades, suivant l'appellation alors en usage. Plusieurs de ces inscriptions sont restées célèbres, en faisant modifier les drapeaux et en les distribuant solennellement après les préliminaires de Leuben, Bonaparte avait agi en chef d'État plutôt qu'en général. Le directoire n'osa pas lui adresser de reproches, mais plus tard, il ordonna que les drapeaux à inscription furent déposés aux archives des corps et remplacés par des drapeaux réglementaires. Devenu premier consul, Bonaparte se vengea en faisant brûler les drapeaux du directoire et en distribuant de nouveaux drapeaux sur lesquels étaient rétablies les inscriptions. Au commencement de l'Empire, le nom d'aigle fut substitué à celui de drapeau. La partie flottante de l'aigle s'appela enseigne. La distribution des aigles donna lieu au Champ de Mars à une grande solennité. Le drapeau blanc avait été arboré pendant les guerres civiles par les Vendéens. La Restauration en fit le drapeau national. Je n'ai pas à examiner ici le plus ou moins d'habileté politique de cette mesure, et je me borne à constater que l'armée ne vit pas, sans de vifs regrets, abandonner les couleurs qu'elle avait arborées pendant 22 ans sur tous les champs de bataille. Je trouve le témoignage de ces regrets dans un document où je ne me serais pas attendu à le voir. C'est le journal de campagne d'un officier de Wellington, publié en 1845 et traduit en 1884 par M. Charles Guyard, qui l'a publié à Bayonne. L'auteur, qui était en 1813 un jeune officier de 17 ans dans un des régiments de l'armée anglaise d'Espagne, vit encore aujourd'hui. C'est le révérend Clegg, ancien aumônier général des armées britanniques. Ayant assisté au commencement de 1814 au blocus de Bayonne, il raconte en termes évidemment impartiaux la substitution du drapeau blanc au drapeau tricolore. « Le 28 avril, de bon matin, dit-il, toutes les troupes alliées campées autour de Bayonne se formèrent sur plusieurs lignes pour assister à la solennité de la pose du drapeau blanc sur les murs de la ville. Jusqu'à cette date, le drapeau tricolore était resté sur la citadelle. Il allait descendre ce jour-là et faire place au drapeau blanc. C'était pour nous un spectacle de gloire et de réjouissance, car nous pensions aux gigantesques efforts de notre pays qui, seul de toutes les nations d'Europe, avait constamment refusé de reconnaître la souveraineté de l'usurpateur. Les Français le regardaient bien différemment. Même parmi les gens de campagne, on ne pouvait pas remarquer la moindre étincelle d'enthousiasme. Quant à la garnison, elle ne faisait nul mystère de son horreur du nouvel ordre de choses et de son inébranlable attachement à son premier maître. Nous étions rangés en bataille depuis une heure, en grande tenue, avec nos fusils simplement chargés à poudre, quand un coup de canon fut tiré d'une des batteries de la ville. À ce signal, un magnifique drapeau tricolore, qui flottait orgueilleusement dans la brise, s'affaissa lentement. Le bâton du pavillon resta nu une demi-minute, et un tout petit drapeau blanc fut hissé à son tour. Il fut immédiatement salué par toutes les batteries du rempart, et ceux de nos gens qui étaient aux avant-postes ce jour-là affirmèrent que chaque canon était chargé de boue et de sable, comme si cette turbulente garnison avait résolu d'insulter autant qu'elle le pourrait à une autorité à laquelle elle ne se soumettait que parce qu'elle y était contrainte. Pour nous, nous répondîmes au salut par une salve joyeuse de toute l'infanterie, de l'artillerie et des canonnières et, poussant une joyeuse acclamation, nous retournâmes à nos cantonnements. Les 100 jours virent les aigles reparaître un instant et disparaître après le désastre de Waterloo. Les légions organisées en 1816 durent, à l'imitation des errements de l'ancien régime, recevoir 2 drapeaux, l'un blanc et l'autre aux couleurs de la légion. Mais cette mesure, ordonnée sur l'initiative du ministre Clark, d'après les idées personnelles de Louis XVIII, ne fut pas mise à exécution. Chaque régiment n'eut qu'un drapeau ou un étendard blanc décoré des armes royales. Pendant ce temps, les 3 couleurs nationales trouvaient un refuge dans les Indes où un ancien officier de la grande armée, le général Allard, au service du souverain de Lahore, Runjet Singh, donna à la milice sikh le drapeau tricolore. Le drapeau blanc ne pouvait survivre à la révolution de juillet, pendant laquelle le peuple de Paris avait spontanément arboré les 3 couleurs nationales de 1789. Les drapeaux tricolores distribués en 1831 et en 1841 par le roi Louis-Philippe étaient, par une sorte d'imitation, des aigles du premier empire surmontés du coq gaulois. Après la révolution de février 1848, on essaya un instant de changer la disposition des 3 couleurs, mais on revint aussitôt à l'ordre adopté en 1792, bleu, blanc, rouge. La hampe fut terminée en fer de lance. Napoléon III rétablit en 1852 les aigles qui furent solennellement distribués au Champ de Mars dans une splendide revue et dont un trop grand nombre par suite des tristes intrigues du commandant en chef de l'armée du Rhin servent aujourd'hui de trophée à nos ennemis de 1870. Pendant et après cette guerre, des drapeaux d'un modèle provisoire furent mis en service. Enfin, à la revue du 14 juillet 1880, des députations de tous les régiments vinrent recevoir des mains du président de la République les drapeaux que nous voyons flotter aujourd'hui dans toutes les prises d'armes, symboles de devoir, de dévouement, d'honneur et de patriotisme. Les modèles des drapeaux de l'armée, pour le dire en passant, avaient été changés 14 fois depuis 1789. 2 anecdotes bien connues donneront une idée suffisante du culte voué par les soldats de la Grande Armée à leurs drapeaux. Pendant la campagne de 1799 en Helvétie, la 76e demi-brigade d'infanterie avait perdu 3 drapeaux dans les Grisons. Le souvenir de cette perte était resté douloureux dans le cœur des vieux soldats du 76e régiment lorsqu'en 1805 le corps du maréchal Ney entra dans le Tyrol et s'empara de la ville d'Innsbruck. Les premiers soldats qui pénétrèrent dans l'arsenal de cette ville y découvrirent les 3 drapeaux du 76e conservés comme des trophées. Avertis, aussitôt tous les hommes du 76e accoururent et reconnurent avec une émotion mêlée de larmes ces insignes glorieux arrachés jadis à leur courage dans le désordre d'un combat. Le maréchal Ney voulut les leur remettre lui-même au milieu de leurs acclamations enthousiastes et de leurs cris de joie. La seconde anecdote est comme la contrepartie de celle-là. Elle est une preuve de l'importance que l'empereur attachait à ne point laisser de trophée aux mains de l'ennemi. Le 4e de ligne, surpris à la bataille d'Austerlitz, au moment où il formait ses colonnes d'attaque par une charge inopinée de la cavalerie de la garde impériale russe, avait eu le malheur de perdre l'aigle de son premier bataillon. Quelques jours après la bataille, l'empereur, passant la revue de ce régiment, dit au premier bataillon « Qu'avez-vous fait de l'aigle que je vous ai confié ?» Le major qui commandait le régiment répondit que le porte-drapeau avait été entouré et tué au milieu de la plus forte mêlée, qu'on ne s'était pas aperçu de sa chute à cause de la fumée, et que le bataillon, voulant réparer cette perte lorsqu'il s'en était aperçu, s'était précipité sur deux bataillons russes, leur avait pris deux drapeaux, dont il faisait hommage à l'empereur, espérant que sa majesté lui rendrait une autre aigle en échange. Napoléon fit jurer aux soldats qu'aucun d'eux ne s'était aperçu de la perte de son aigle et que, s'ils s'en étaient aperçus, ils auraient tous sacrifié leur vie pour la reprendre, car un soldat qui a perdu son aigle a tout perdu, ajouta l'empereur. Parole qu'ignorait sans doute le maréchal Bazaine lorsque, à Metz, il faisait si bon marché des aigles de son armée. « Nous le jurons !» s'écria tout le régiment, « et nous jurons aussi de défendre l'aigle que vous nous donnerez avec la même intrépidité que nous avons mise à enlever ces deux drapeaux russes. » « En ce cas, dit l'empereur en souriant, « je vous rendrai donc votre aigle. » C'est dans la connaissance des faits de ce genre qu'il faut chercher le secret du pouvoir sans limite exercé par Napoléon Ier sur toute son armée. Nos colonels d'aujourd'hui ne sauraient avoir le prestige de ce grand capitaine. Autre chose est, d'ailleurs, de parler à des troupes enthousiasmées par la victoire le lendemain d'une bataille d'Austerlitz ou d'expliquer dans une parade le devoir militaire à de jeunes conscrits récemment arrachés à leurs fermes ou à leurs ateliers. Mais il y avait à prononcer, et il a été prononcé sans doute à cette revue du 5 janvier, plus d'une belle et grande parole. La simplicité des explications n'est pas incompatible avec la mâle éloquence d'un chef de corps. Un thème tout naturel était la légende du drapeau ou de l'étendard, quatre noms de bataille choisis parmi celles où a figuré le régiment. Ce ne sont sans doute pas les seules affaires dans lesquelles il se soit distingué. On s'est attaché aux noms les plus retentissants, et il y a tel combat, sans nom dans l'histoire, où il s'est déployé proportionnellement à la quantité des troupes engagées, plus d'héroïsme qu'à Jena ou à Friedland. Mais on peut lire le récit de ces combats dans l'historique du régiment s'il a été fait avec soin et mis à la portée de tous. La légende du drapeau doit être apprise par cœur et chaque soldat doit savoir la commenter. Je prends pour exemple le 3e régiment de Hussards. Note historique du 3e Hussards par Monsieur le capitaine Dupuis. Fin de la note. L'étendard porte quatre noms glorieux entre tous. Jena, Eylau, Friedland, Montereau. À Jena devra savoir le soldat. Le 3e hussard, amené sur le champ de bataille au plus fort de la mêlée par le maréchal Ney et le général Auguste Colbert, arrêta par une brillante charge de flanc un régiment de cuirassiers et deux régiments de dragons qui commençaient à ramener le 10e chasseur. Jusqu'à la fin de la bataille, ces deux régiments formant la brigade Colbert ne cessèrent de charger avec succès sur l'infanterie ennemie, ce qui leur valut l'honneur d'être cité par Napoléon au bulletin de la Grande Armée. À Eylau, ou plutôt à Hof, l'avant-veille de la bataille d'Eylau, le 3e hussard et le 10e chasseur franchirent pour absorber l'ennemi un petit pont placé sur un ruisseau marécageux où l'on ne pouvait passer qu'en colonne par quatre et chargèrent à plusieurs reprises les cuirassiers russes. Le prince Murat les combla d'éloges dans son rapport. À Friedland, le 3e hussard attendit de pied ferme la charge d'un régiment ennemi, l'ébranla par une salve à bout portant, puis le chargea et le culbuta. À Montereau, enfin, le 3e hussard prit part à la charge célèbre de la division Delort, se précipitant comme une avalanche sur les pentes escarpées de la Grande Rue et décidant la victoire qui fit dire à Napoléon « J'ai sauvé la capitale de mon empire ». Ce que je dis là s'appliquerait à tous les régiments. Quel beau thème à développer que les légendes des drapeaux de nos régiments d'infanterie, le 32e, l'Onato, les Pyramides, Friedland, Sébastopol, le 36e, Gemap, Zurich, Austerlitz, Jena, le 57e, la Favorite, Austerlitz, la Moscova, Sébastopol, etc. Les batailles portées sur les drapeaux ne sont pas toujours celles où le régiment s'est le plus signalé, et il y a des affaires qui ne méritent vraiment pas d'être gravées en lettres d'or sur les plis flottants d'un drapeau tricolore. Pour ne citer qu'un exemple, s'il est vrai que le 77e régiment est, pour légende, les Pyramides, Friedland, Alger, Bomarsund, il est permis de regretter de ne pas y voir figurer, à la place de ce dernier nom, celui de Constantine, qui rappellerait le fameux carré de Changarnier. Peut-être toutes ces légendes ont-elles été, en 1880, l'objet d'un travail un peu précipité, et puisqu'aujourd'hui on attache avec raison une si grande importance à l'historique des régiments, peut-être serait-il bon de réviser, pour les établir en connaissance de cause, les légendes de leurs drapeaux. Fin de la section 41, lue par Sophie Aveul-Les Roses en novembre 2024.